On va parler de football de la NFL. On va parler avec Tony Guzzo du site internet de la NFL. On a fini de nos pronostics. Là, maintenant, les places aux choses sérieuses. C'était l'ouverture de la saison hier. Yeah. Salut, Tony. Salut, Danny. Ça va bien? Que vous pouvez lire sur son excellent site, le blitznfl.com, qui est la référence, pas mal une référence au Québec. Puis vous travaillez fort, les boys. C'est vraiment le fun. Ouais. Tony, c'est gentil, on va parler de ce qui s'est passé hier, c'était l'ouverture de la saison. Beaucoup de monde disent que les Bears de Chicago, il y en a qui veulent y voir au Super Bowl, mais pas que Mitchell Trubisky ou pas d'accord. Je m'excuse, là. Tu sais, ça, c'est quand même pas Joe Montana ou Tom Brady, là. Fait que, tu sais, je suis pas sûr. Hein? T'as raison, Danny, mais le gros problème, puis de plus en plus, les gens y en parlent ce matin, c'est que même hier, NFL Network, à la fin du match, ils ont dit « Voici la cinquième semaine de la pré-saison. » Mm. Parce que... mais c'est ça, Trubisky, pour venir à Trubisky, je comprends pas la décision des entraîneurs de pas le faire jouer pantoute pendant la pré-saison. Ça paraissait hier. Puis aussi pour les Packers. Là. Donc... C'est malheureux à dire parce que c'est vraiment le match d'hier, c'était à l'image de la pré-saison parce que les gros joueurs ils ont pas joué. C'est, tu sais, je veux dire, même si tu pratiques 2 heures, 3 heures de plus là dans la journée, là t'as pas la pression d'un match. T'as pas la, tu sais, tu pratiques, je pense qu'ils pratiquent même pas le soir sous les lumières avec le bruit de la foule. Là. En gros, c'était pas un gros match hier, mais pour venir à Mitchell Trubisky. Puis toute son équipe a manqué un peu d'exécution, mais c'est un jeune joueur là, c'est sa deuxième saison, c'est ça. Troisième. Puis les jeunes joueurs encore qui jouent pas dans pré-saison parce qu'ils ont peur de se faire blesser là, ça fait partie de la... ils ont besoin de répétition, ils ont besoin de volume ces gens-là, puis surtout ces jeunes-là. Puis, mais on l'a dit hein, pour les Bears, si la défensive va tout faire pour donner la chance à Trubisky et l'attaque de gagner un match. Donc hier, vous avez vu, il y a pas eu grand-chose en attaque. Puis ça finit 10-3 quand même. Fait que faut donner. Hier, ça a été l'avantage du cadre d'expérience Aaron Rodgers. Puis malgré qu'ils sont allés chercher, les Bears l'ont saqué 5 fois à Rodgers, mais oui, ça va être on dit ça en anglais, un work in progress pour Trubisky, mais ça commence bien mal parce qu'ils ont commencé à huer hier déjà les fans. Fait que ils vont se replacer, puis je pense que hier l'entraîneur-chef a eu un wake-up call. Il s'est excusé, là, il prend le blâme sur lui, là. On dirait que la préparation mais je reviens encore, je trouve ça décevant de pas faire jouer les gros joueurs en pré-saison. Il faut qu'il y ait un momentum, faut qu'il y ait un certain volume. C'est sûr. Mais c'était vraiment la première année que ça, c'était le même. Les autres années, ils jouaient quand même plus que ça. Ouais, ben c'est une nouvelle tendance, t'as raison. Ouais. C'est nouveau de cette année. Parce que qu'est-ce qu'on disait, c'est qu'on attendait toute la troisième semaine qui était la répétition générale. T'sais, la majorité des équipes va faire jouer son équipe partante pour la première moitié, la première demi. Puis là, après ça, t'sais, je veux dire, mais faut-tu le mettre dans l'action? J'étais coach d'un autre sport, puis tu sais, je veux dire, faut que tu donnes du volume, c'est pas un entraînement que tu vas être prête, puis je pense qu'on va voir beaucoup de ça en fin de semaine, malheureusement. Ouais. Bon, ok, nouvelle qui vient de tomber, je sais pas si c'était la notification, Antonio Brown va jouer lundi finalement. Il y avait des rumeurs qui disaient que les Raiders allaient suspendre, mais là, écoute, si tu suspends, c'est comme avouer son erreur. On sait que c'est déjà à couteau tiré entre les Raiders et son client. C'est incroyable, pareil. À quelque part, il faut mettre l'eau dans leur vin. Mais, tu sais, j'en ai parlé sur les médias sociaux. Ça me fait penser. Antonio Brown, il faut qu'il se calme. Parce qu'il y a un joueur qui s'appelle Des Bryant qui, lui, n'a même plus de contrat justement à cause de ça. Il ne joue plus dans la NFL à cause de ça. Exactement, Danny. Puis, je sais pas qu'est-ce qui se passe entre ses deux oreilles à lui là. Tu sais, je veux dire, il a fait parler plus de lui que toute la NFL jusqu'à hier, puis encore aujourd'hui. Puis en tout cas, il y a les Steelers qui rient en ce moment. Ouais, ouais. Tu sais, se sont débarrassés de ça, cette distraction là. Mais au bout de la ligne, Danny, puis je viens de l'entendre là, les équipes ils veulent gagner. Hein, puis Sauf que si c'était pas du prestige d'Antonio Brown, ça aurait été un Danny Veilleux là, avec les Pats, ben ça ferait longtemps que tu serais plus dans l'équipe. Là, non, je suis pas sûr que Belichick m'a regardé. Je suis pas, je suis vraiment, vraiment, vraiment, vraiment pas sûr. Parce que Bill, si tu rentres pas dans son carcan, c'est pas long qu'il te floche. Non, mais là, on parle de Bill Belichick, mais ben, je te dirais, sur les 32 équipes, il y en aurait au moins une trentaine qui l'auraient fait. Là, mais c'est sûr qu'ils ont tout fait, les Raiders. En tout cas, il est mieux de performer parce que les Raiders vont trouver la saison longue. Là, puis là, c'est rendu même à Brown qui se poigne avec son DG. Mais il n'a pas aidé non plus la situation aussi au niveau média. Il se présente devant la télé. C'est sûr que ce qu'il a fait, c'est pas fort, Antonio Brown, mais en tout cas, mais au bout de la ligne, c'est une business. Ils veulent gagner. Fait que c'est pour ça que je suis pas sûr qu'ils sont bien contents de dire que Antonio Brown va jouer lundi. Là. Elle va être la troisième, quatrième semaine, là, il aurait peut-être donné un break. Non, puis il faut qu'il monte un peu le. Il bon, faut qu'ils montent un peu l'exemple aussi. T'sais, ils ont payé cher les Raiders. Il faut que les deux mettent de l'eau dans leur vin, malheureusement. C'est la centième année de la NFL cette année. Je t'ai demandé de me sortir quelques activités. Parle-moi des activités. Oui, ben là, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'au niveau de la thématique, à chaque semaine, ils vont sortir une thématique de la semaine. Comme là, cette semaine, c'était la rivalité Packers-Bears. Parce qu'auparavant, on ouvrait la saison avec les gagnants du Super Bowl. Normalement, ça aurait été une partie qui s'était là. Exactement. Donc, mais je pense qu'ils ont quand même bien réussi. Ils vont jouer dimanche soir à télé nationale. Fait que ça va être quand même ça. Fait que à chaque semaine, il va y avoir une petite thématique de même. J'irai pas en détail, là, mais la grosse affaire qu'ils ont faite la NFL cette année au niveau des activités, tout ça, c'est que il va y avoir des expériences de vie, comme on dit entre guillemets, là, pour chacune des équipes. Puis pour les partisans, là, ils vont vraiment faire des activités pour mettre le partisan au cœur de l'activité. Puis ça a tout commencé au dernier draft quand Roger Goodell a donné une paire de billets pour les prochaines 100 saisons. Fait que des billets de saison pendant les 100 prochaines années à eux des fans. Puis chaque équipe va avoir des expériences comme ça, comme un exemple à Arizona, tu vas pouvoir aller au match puis retourner chez toi en hélicoptère. Il y a quelques équipes qui vont avoir il y a du monde qui vont se marier pendant le halftime. Fait que puis je pense à Buffalo justement, il va avoir une cérémonie de mariage durant la demi. Puis c'est Jim Kelly, le corps arrière, qui va accompagner la mariée. Fait que c'est toutes des affaires de même, jouer avec Peyton Manning dans le stade d'Indianapolis. Est-ce qu'il va y avoir des équipes de décennies, des équipes d'étoiles? Est-ce qu'on va décerner un peu comme la Ligue nationale de hockey l'avait fait, là, les 100 meilleurs joueurs? Je sais pas, mais ils ont fait. Si vous allez sur notre site, là, il y a eu des équipes de décennies, là, il y a eu des statistiques, mais j'ai pas entendu parler des 100 meilleurs joueurs pour l'instant. Peut-être ça va venir. Il y a des activités qui vont avoir lieu pour les fans, pour chacune des équipes. Puis en plus, ils vont venir au Canada. Ah. Entre autres, ils vont être à Toronto le 7-8 septembre. Ça, c'est en fin de semaine. À Montréal, ça va être la semaine prochaine, mais si vous vous êtes abonné à NFL Canada, là, ils vont vous donner le lieu, parce que le lieu en ce moment, il est comme secret. Okay. Fait qu'on sait pas mais pour répondre à ta question, pour les 100 meilleurs joueurs, j'ai pas vu. Il va y avoir certainement quelque chose. Ah oui, t'as raison. Il va y avoir une émission. Je viens de le voir parce que j'ai des notes devant moi. Là. Il va y avoir une série qui va durer 20 heures de temps pour faire le décompte des 100 meilleurs joueurs, mais ça va passer à la télé à chaque semaine sur NFL Network. Oui, effectivement. Fait que il va y avoir aussi l'équipe l'équipe des commentateurs. Il va y avoir beaucoup de séries, de nouvelles séries sur NFL Network puis sur les plateformes. Ça va être dur de pas mettre Pat Summerall, John Madden. Hein? C'est pas mal ça qui a été ça. Puis en tout cas, on va entendre parler beaucoup de Bill Belichick aussi, je pense. Oui, avec raison. C'est le meilleur coach de l'histoire de tout sport confondu selon Danny Veilleux. Fait que. Exactement. Donc il va avoir beaucoup. Ça va être très coloré pour ce centième anniversaire de la NFL. On va parler maintenant des matchs à surveiller. Moi j'en ai trois. J'en ai quatre, mais je vais en dire trois. Le quatrième, c'est sentimental. J'ai hâte de voir donc les Steelers contre les Pats. Ça, on ne peut pas se tromper en disant que c'est la meilleure équipe. C'est la meilleure équipe qui. Les Pats contre les Steelers, ça commencerait pour les Pats. Oui, ça va être un gros week-end. Puis comme je vous ai dit auparavant, j'espère que ces deux équipes-là vont être mieux préparées que nos deux équipes d'hier soir. Fait qu'on risque d'avoir un bon match. Les Patriots sont toujours dans la liste pour être finalistes au Super Bowl. On va voir comment ils vont agir sans Gronkowski. Leur défensive est à surveiller à ce niveau-là. On va voir parce qu'ils ont perdu quelques joueurs en défensive. Fait qu'on parle toujours de la défensive, mais les Pats, c'est là qui fait la différence. Mais au niveau de l'offensive, je suis pas inquiet parce que je l'ai dit lors des pronostics avec Josh Gordon puis Demaryius Thomas qui ont re-signé après l'avoir libéré. Là. Ça, c'est une affaire de business, là, mais ça va être tout. Ça fait longtemps que Tom Brady a pas eu un duo de receveurs de même. Puis pour ajouter Edelman aussi, là, mais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des receveurs comme ça, des armes pour Tom Brady. Donc, New England, là, qu'est-ce qui va arriver avec tes passes, Danny? Ça va être, check bien ça. Ils vont peut-être mal commencer, là. Ouais, ils commencent tout ça, hein. Là, ils vont dire la dynastie est finie. Puis après ça, au bout de la ligne, on les voit au Super Bowl. Il y a un des chums l'année passée qui a dit, il m'appelle au mois de novembre, puis il dit, Danny, il dit, lui, c'est un partisan des Pats aussi. Il dit, je vais te faire une prédiction, il ne faut même pas essayer. Il dit, calme-toi. Tu sais, ils jouaient mal au mois de novembre. Les Pats, rappelle-toi l'année passée. Là. Ouais. Puis, finalement, ils ont gagné Super Bowl. Mais t'es d'accord avec moi, Tony, que si. Ça, tu sais, je suis un partisan des Pats, là. Mais on va se dire les vraies affaires, là. S'ils ne jouent pas dans une division si faible que Buffalo, les Jets, puis Miami, ils en gagnent peut-être un ou deux moins. Parce qu'ils ont sauvé. Non! Hein? On a tout le temps, on a parlé souvent de ça, puis c'est vrai. Oui, parce qu'il n'y a jamais eu de l'opposition. Puis, ils ont sauvé souvent un match parce qu'il y avait un bail, parce qu'il y avait un bon calendrier. Hein? C'est joué à Foxborough souvent. Il faut quand même être honnête, là. Oui, il faut être honnête, oui. Mais il faut donner quand même. Faut quand même. Je veux dire, c'est sûr, c'est pour ça que tout le monde dit, là, tu fais tout pour faire les séries, puis après ça, tout peut arriver. Puis c'est un peu ça qui est arrivé pour les Pats. Là. Ils ont eu vraiment une voie facile pour participer aux séries, puis après ça, ils ont joué pour gagner après, mais t'as raison, il y aurait peut-être eu deux ou trois même championnats de moins, là. Ça aurait pas été facile de même, jouer à Foxborough, puis tous les problèmes que les autres équipes dans l'Est ont eu, là, regardez, moi, mes Dolphins, là, ils ont fait le ménage, là, ça sera pas beau, là. On visite toi l'année prochaine du côté des Raiders. Tu peux déjà donner deux victoires aux Pats pour ça. Ouais. Tu sais, les Jets, ils vont s'améliorer. Buffalo aussi, mais pas assez. C'est tous des jeunes cadres, puis l'expérience, puis le génie de Bill va prendre le dessus. Puis dans toute l'affaire, une des raisons aussi que les Pats ont bien réussi, c'est qu'ils ont quand même une bonne profondeur dans leur alignement que les autres équipes n'ont pas. Il faut donner ça aussi. Là. Fait que, mais ça va être un bon match dimanche contre les Steelers aussi. Les Steelers, moi, là, j'ai vraiment hâte de les voir aller. Puis je suis assez confiant qu'ils vont connaître une bonne saison parce que on regarde là, sans Antonio Brown, sans Le'Veon Bell, là, c'est des deux grandes distractions qui se sont débarrassées. Puis tu sais, c'est Juju Smith-Schuster qui le remplace, qui est très bon, et James Conner à la course. Fait que, là, tu commences une saison avec aucune distraction. Il peut avoir une surprise. Les Steelers pourraient le gagner aussi dimanche soir. Moi, je donne un petit léger avantage aux Pats là, à cause de son chez eux. Ouais. Puis ils veulent tellement bien faire devant leurs partisans après avoir remporté le Super Bowl. Okay. Que... Deuxième match que j'ai, c'est un match intéressant, ça, c'est les Rams contre Caroline. Ah, très, très bon. C'était pas dans ma liste. Okay. Rams, Caroline, tu vas me l'expliquer, vas-y. Bah, c'est peinture, c'est même pas une mauvaise équipe. Là. C'est une équipe qui va lutter qui va lutter une place en séries éliminatoires. Du côté des Rams, ben écoute, c'est les gagnants du Super Bowl. Ils devraient être encore, pas les gagnants, mais les finalistes du Super Bowl. Ils devraient être encore, ils devraient se battre avec les 49ers dans l'Ouest. Donc, ça, c'est un match intéressant. Ouais, ben, Caroline, mon point d'interrogation, c'est la santé de Cam Newton. Ouais. Mais comme tu dis, oui, Luke Kuechly à la défensive très fort. Tu sais, un bon porteur de ballon, Christian McCaffrey. Oui, Caroline est bien reconnue pour une bonne défensive, mais. C'est Cam Newton, mon point d'interrogation. C'est pour ça que depuis qu'il a été blessé un peu, c'est un gars qui est pas mal amoché dans un sens. Fait que, mais oui, t'apportes un bon point parce que oui, les Rams aussi, oui, les Rams sont à surveiller parce qu'on va voir après, ils ont perdu quelques bons morceaux en défensive, mais ils devraient continuer. Là, on va voir un gars comme Jared Goff. Un jeune corps arrière, comment il peut poursuivre ça, mais ça va être eux autres aussi ils ont une bonne ça va être une division compétitive là. Ouais. Il y a les 49ers, il y a même les Seahawks là. Ouais, avec la question que j'avais un long tourné également qui a fait un vol, donc ça devrait être C'est ça. Okay. Mais bon point, point. Kansas City contre Jacksonville, c'est mon troisième match. Oui, ben moi ça l'est pas non plus. Non, okay. Mais je vais te le dire, ben c'était mon quatrième Kansas City parce que Jacksonville, on a tous hâte de voir Monsieur substitut Nick Foles, comment il va réagir en tant que partant puis commencer 16 matchs. Ça va être très intéressant avec Leonard Fournette comme porteur qui semblerait être en grande forme physique. Donc beaucoup d'attentes au niveau des Jaguars. Puis contre Kansas City, on va voir Patrick Mahomes, le joueur le plus utile l'année dernière. Je suis pas sûr. Je pense que j'avais dit il a lancé pour 50 passes de toucher l'année passée. Je pense qu'il devrait ça devrait être réduit à 40, 40 cuts, peut-être en bas de 45 touchés cette année. On va voir, ils sont bien entourés, Tyreek Hill, peut-être à la course, je suis pas sûr, avec Damien Williams, mais c'est quand même, Andy Reid faut y donner ça, il va se rendre, c'en est un coach qui fait tout pour faire des séries, sauf qu'il est pas capable de coacher la deuxième saison, fait que, mais c'est drôle là, on s'en est pas parlé avant qu'on rentre en onde là, mais tu sais, à chaque année, il y a au moins 4 nouvelles équipes de l'année d'avant qui font les séries. Mm. Fait que en moyenne, c'est proche de 6 équipes par année que ceux qui ont fait les séries l'année passée, là, ben ils leur font pas. Fait que j'ai hâte de voir qui de cette année, qui des nouvelles équipes vont faire les séries. Là, t'as Caroline qui l'année passée n'a pas fait les séries. Il devrait être de retour, finalement. Ouais. Puis on a hâte de voir. Moi, un des matchs en fin de semaine, c'est Atlanta-Minnesota. Oui, je l'avais aussi. Ben, je l'avais. Ouais. Parce que c'est justement ces deux équipes que je pense qu'ils devraient rentrer dans les séries. On va voir dans les deux la grosse pression. La meilleure Minnesota a une meilleure défensive. Les deux ont de très bonnes offensives. Puis pour les Vikings, c'est vraiment Kirk Cousins. Là. Ils ont tellement dépensé de l'argent. Ils ont dit que il faut qu'on gagne le Super Bowl, sinon ça n'a pas d'allure. Donc c'est une équipe qui est bourrée de talent, les Vikings, mais c'est Cousins qui va faire la différence. Okay. L'autre match était les Browns, parce que j'ai vraiment hâte de voir les Browns. C'est pas parce qu'ils jouent contre Tennessee, là, mais j'ai bien hâte de voir les Browns. Ils en parlent tellement que l'équipe est bourrée de talent, mais. Moi, mon point d'interrogation, c'est leur entraîneur, Freddie Kitchen. Il y a beaucoup de têtes fortes à Cleveland. Là. J'ai hâte de voir ça. Exactement, c'est ça. Fait que c'était pas comme le match, c'est plus l'équipe à surveiller que je voulais aller voir comme première semaine. C'est ça mes matchs. Moi, c'est le dernier match. C'est un match très sentimental. Jimmy G qui va faire son retour. j'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte. Puis je vais l'écouter ce match-là. Là. Parce que j'ai hâte de Jimmy Garoppolo, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui est. parce qu'il a connu un camp d'entraînement très, très misérable. Là, il Oui. revient. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ben, ouais. Ben, je pense que ça va être une année vraiment. C'est sûr que l'année passée, il s'est blessé, là, Ouais. mais je pense que c'est déjà c'est la troisième année pour le coach Shanahan puis le DG John Lynch, là. Donc, la progression est très importante pour cette équipe-là. Puis on va voir comment Jimmy G pourrait faire la différence, là. J'espère qu'il continuera pas sur la mauvaise séquence qu'il y a eu en camp d'entraînement, mais l'équipe a quand même encore beaucoup de travail à faire pour le protéger, pour le bien entourer à San Francisco. On va juste lui souhaiter qu'il soit en santé. Puis les 49ers pourraient connaître une bonne saison. Je suis pas sûr assez pour faire les séries, mais ils devraient quand même donner du bon football. Okay. Ben, Tony, un gros, gros merci. Au plaisir de se reparler. On se reparle vendredi prochain. Merci, puis bon week-end. Site leblitznfl.com, la référence du football, une des bonnes références au football, Tony Guzzo.